Émeraude, l'amour chasse, l'amour n'attend pas. Architecte, ça les plans, l'auditeur, mon inaco. Nato ya bolingo, y'a la tinzoto, y'a libana. Souris les astuces, frajoué au matin, et gagné. Oh, yo ma roi, va faire un coup. Chassé pour toujours. Christelle Iolo. St. James Rolls. Enfin, la coquille, si y'a une ligne qui. Chantier, amour, n'en élevé commis, y'a sauvé. Adieu ton père, y'a ma souci. Bye bye, ma lili, y'a ma chatra. Vivi, émeraude, à mes lignes, mille bataillons d'amour, n'a gagné guerre, y'a ma souci. Servez-moi ça. Maman, maman, maman, y'a. Christian Kaniki, Dominique Balekita. Marceline Mayotila. Sokila, guinda, y'a le tir créateur. Bina décora la lune à beauté à vivir. On a place au qui est bénéficié, c'est la lumière. Va profiter de la soustraction, yamawa. Rimoto à ta liberté, non vivier, me coûte. L'équipe Maya, Claudia Sassou. Il paraît que Moïse à la cam est content. Nega la cana ouest, la mouka cana est. Yangwe préféra que la cana moute manayon. Et la mougagana visage n'a yon vivi émeraude. Laura Kaniki, Tania Lenga Lenga, Tuturuba. Yangona tamburakana ikengezo kina bimina moui. Bazoua yabote ya vivi mouye yako tumba la terre. Ese boye vire purba eba lebo yako zonga na sima. De perkezu areta yako kokie de magi ya vivi. Mba ouse yon yon so bazoua yon model vivi émeraude. Manda mi mi mi mi mi mi mi Rouge Naturo, Marna Moustique, Songa Kalamapo, Songa Retingama Vivi. Rouge Naturo, Quadra, Marna Moustique, Songa Kalamapo, Songa Retingama Emeraude. Moussa, Moussa, Moussa, Mananga, Yuzar, Kitena, Yo. Mangoulio, Mogozuka. Gezi from Nigeria, Stone Wale, Jenny Olomide, Commandant Dubier José, Étienne de Berne, Odenga Bakani, Pipili Mouda, Jolie Mayala, Petite Aquadra. Rouge Naturo, Marna Moustique, Songa Kangama Posonga, Tingama Vivi, Rouge Naturo, Quadra, Marna Moustique. Sonja Kalaman Posangana Tinama Emeraude. Mon cher Manana Yuzar Kitena Yo. Mami Kara Anifa Mwanza Malou Flamba Fouka Lisapoyo Mokolo Mouzou Bambour Ko Bambouli Matite Bingani Bakbalangani Babu Akami Jona Sima Bambou Na Agwaya Mouke Azo Kimate Babele Li Bambou Nyo Swadi Eke Bele Bisho Wa Mikolo To Kima Bambou Yo Mouna Mouke Yo O Kimate Pule Dino Bala Lelo Yo Bobanka Makambote Mzoka Yia Yibaki Père Monaki très bien que dans Zinga y a roi lion, la reine lion Azalaki. Est-ce que vous croyez que le roi lion veut aussi la momie naïe la reine lion le cas pour la vie de ma cure dedans? Oya, le roi lion vraiment veut nos touches lignes, nos beaux idées, à multiplier, nos par zéro. Ouais. Rouge Naturo, Marna Moustique, Santa Kanaman Posanana, Tingamay Mibou. Chantal Loemba. Yoka ki quadra. Je dis, bon, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a Le boss, Merci pour les consalamés, il finit sa jeu. Accenti pour les consalamés, il s'en a bavuré. C'est un taxi à deux frères, c'est un vilain à vivre. Et mes rodelets qui a Claudia Sassou. Le beau est un vilain à vivre. Comment se monte fait un vilain à vivre. Et au canica très coin à vivre. Monsieur le maire, il est golo nélé. Alison Lumumba, Sandra Kazadi.